Ce soir, dans la première partie, nous abordons un sujet qui touche l'évolution de l'individu à travers la collectivité, c'est-à-dire les structures sociales. Nous invitons donc Bernard de Montréal pour venir nous parler sur ce sujet brûlant qu'est la place de l'individu dans notre société. Bon, faut que je parle un petit peu plus. Bon. Question qu'on se pose souvent, l'influence des formes sociales, l'influence de la télévision, de la radio, est-ce qu'elle a chez l'individu une importance majeure? Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous parler de ce sujet. Bonsoir Bernard. Ce soir, le sujet concerne l'évolution de l'individualité au travers des structures sociales. Est-ce que l'individu, à notre époque, peut s'attendre des structures sociales à être favorisé dans le développement de son individualité et de son identité? Est-ce qu'il y a des éléments? Aucunement. Est-ce que donc toutes les structures sociales présentes dans notre société sont contre l'individu? C'est pas qu'ils sont contre l'individu, mais les structures sociales font partie des besoins de la masse sociale. La masse sociale est dirigée par les coefficients psychologiques qui représentent planétairement, mondialement, les besoins d'une grande collectivité pour le maintien d'un ordre quelconque sur le plan social. Donc, toutes les mesures sociales dans le monde sont faites, dans le fond, pour le maintien d'un équilibre à l'intérieur d'une société, pour permettre un meilleur épanouissement de l'individu à l'intérieur de cette société-là. Mais l'épanouissement de l'individu sur le plan social n'a rien à voir avec l'intégration, le développement de l'identité de l'individu sur le plan personnel. Quand on parle de l'individu, remarquez bien, on parle toujours de l'homme essentiellement. On ne parle pas de l'homme socialement, économiquement ou politiquement. On parle de l'homme essentiellement. Autrement dit, on parle de l'homme en tant qu'être qui est habité par une âme, qui est en potentiel de fusion avec ce qu'on appelle un esprit ou un double ou une source de pensée créative. Donc, quand on parle de l'évolution de l'identité de l'homme, de l'intégralité de l'homme, de son identité profonde, on parle de l'évolution, on ne parle pas de l'involution. On ne parle pas de, je vais vous donner la parole dans une minute, on ne parle pas de l'homme en fonction de la cinquième race racine, on parle de l'homme en fonction de la sixième race racine, c'est-à-dire en fonction d'un être qui, un jour, aura la capacité de déployer totalement, à un niveau ou à un autre, à l'intérieur d'une forme sociale quelconque, créée par lui, ou par ses pairs, en fonction d'un esprit réellement créatif, universel, cosmique, supramental, donc éventuellement relié à des dimensions supratemporelles. Bon, vous semblez manifester le fait qu'il y a deux formes de structures sociales potentielles, une existante qui est celle d'une race involutive et une à venir qui est celle d'une race dite en évolution, donc la sixième race. Est-ce que la sixième race, sa structure sociale, va ressembler en partie ou va prendre des éléments de celle déjà existante, c'est-à-dire celle qui est de l'involution? Est-ce qu'il y a des parts ou des parties de la structure sociale existante qui va demeurer dans les temps futurs, dans la sixième race? Si on parle de l'évolution de la race racine, si on parle de l'évolution d'une race mentale, on doit automatiquement amener l'étude de cette race-là sur le plan de la relation paranormale entre l'homme et le plan éthérique. Donc, automatiquement, ça informe du fait que dans ce futur historique-là, l'homme aura la capacité d'être en contact avec des niveaux d'intelligence qui font partie d'un monde parallèle. Donc, automatiquement, les structures sociales qui sont existantes aujourd'hui ne seront plus, dans ces temps-là, utiles pour l'homme en évolution, parce que ce sont des structures qui sont basées sur le principe de la conscience collective en équilibre. Alors que dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, ou dans l'évolution, dans le cas de l'évolution d'une race racine, on voit les besoins de l'homme à une autre échelle, à un autre niveau, beaucoup plus dirigé vers des contacts entre l'homme de notre planète et des hommes d'autres mondes que l'homme de la planète aujourd'hui avec des aides de sa planète qui font partie d'un temps ancien. L'URSS a fondé une partie de ses structures sur le marxisme, l'influence de Staline, et puis on a connu le socialisme, et il y a eu un échec. Le capitalisme, est-ce qu'il est voué avec les années futures au même titre d'échec? Le capitalisme va évoluer, il va se socialiser. Par contre, il va demeurer pour la simple raison que le capitalisme intègre dans sa pensée de fond le respect du potentiel personnel de l'individu par rapport à d'autres individus en compétition. Donc, le libre-échange, tout le concept du libre-échange qui fait partie de l'autonomie dans la détermination, ces structures-là sont des structures intelligentes qui font partie du capitalisme et ce sont des structures qui sont réelles dans ce sens qu'elles invitent l'individu à s'épanouir. La raison pour laquelle le communisme s'est effondré, c'est parce que à l'intérieur de cette idéologie, l'épanouissement de l'individu a été remplacé par l'épanouissement de l'État. Donc, c'était un mouvement réellement tribal, mais à l'échelle mondiale. Alors que le capitalisme, ce n'est pas un mouvement tribal, c'est réellement un mouvement démocratique qui nécessite de la part des gouvernements un échange avec les individus et de la part des individus un échange avec les gouvernements ou la société, permettant ainsi à l'individu de se manifester de plus en plus dans la mesure où il ne déséquilibre pas trop le contexte social. Donc, le concept de possession de la propriété, le concept de la liberté de religion, le concept de la liberté de penser, sont des éléments qui sont nécessaires à l'individualisation sociologique de l'homme. Ce ne sont pas des éléments qui sont fondamentaux à l'évolution psychique de l'homme nouveau, mais ce sont des éléments qui sont nécessaires à l'émancipation de l'homme ancien, de l'homme évolutif d'aujourd'hui. Donc, dans ce sens, le capitalisme, bien qu'il puisse changer dans sa structure sociale, se socialiser, évoluer, se perfectionner, demeurera toujours l'élément essentiel de la survivance de la race humaine sur la Terre, et c'est pour ça que dans les générations qui viennent, ou même aujourd'hui, les gouvernements qui œuvrent dans la direction d'une forme de communisme ou d'une forme de socialisme avancé, éventuellement vont être obligés de ramener ces forces sociales-là au concept du libre-échange, au concept de la liberté individuelle et au concept de la prépondérance de l'individu sur la globalisation de l'énergie planétaire. Est-ce qu'on pourrait considérer l'idéologie du capitalisme comme étant une forme involutive ou une forme potentiellement évolutive? C'est une forme évolutive. C'est une forme. Ce qu'on appelle évolutive, quand on parle d'évolution, on parle de conditions psychologiques qui sont fondamentalement responsables pour le développement de l'ego. Quand on parle d'évolution, on parle de conditions psychiques qui sont fondamentalement nécessaires à l'évolution de l'esprit de l'homme. Ces conditions-là ne viennent pas de la psychologie humaine, ne viennent pas de l'enseignement historique sanctionné par le temps évolutif. Ces notions-là, ces sciences-là, cette science-là qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement occulte aujourd'hui parce que l'homme n'est pas suffisamment avancé pour la saisir dans sa totalité, cette science-là ne vient pas de l'homme, elle vient des plans parallèles. Une fois que l'homme aura intégré cette science-là dans son mental, à ce moment-là, il y aura une conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience, un savoir à tous les niveaux, autant un savoir qui s'instruit de la psychologie, autant d'un savoir qui s'instruit de la forme des gouvernements, autant d'un savoir qui s'instruit de la science ou de l'étude de l'énergie, mais ça viendra des plans parallèles. Et avec le temps, l'évolution de la conscience humaine, l'homme pourra facilement sortir de son corps matériel, non pas en forme astrale, mais en forme éthérique, être en contact avec des civilisations qui font partie déjà de monde parallèle, et à ce moment-là, amener vers la Terre, vers sa civilisation, des sciences qui seront nécessaires pour l'émancipation de son bien-être à tous les niveaux, autant sur le plan médical que sur le plan social, que sur le plan gouvernemental. L'homme doit éventuellement en arriver à éteindre complètement sa mémoire historique, sa mémoire planétaire, pour en arriver à institutionnaliser, c'est-à-dire à descendre sur la Terre, une nouvelle mémoire qui est cosmique, qui est universelle, qui ne se pense pas, qui ne fait pas partie du passé de la race, qui ne fait pas partie de la mémoire de l'âme, mais qui fait partie de la fusion de l'esprit avec l'âme à travers l'ego, totalement bien balancé pour former un axe de lumière qui permettra finalement à l'homme de reconnaître son identité universelle, de reconnaître facilement l'identité des hommes autour de lui, qui elle aussi sera une identité universelle, et c'est ce qui permettra finalement, au cours de l'évolution, de donner à la Terre, à l'humanité, son droit d'aîné, c'est-à-dire sa capacité de se déplacer à volonté dans le cosmos, pour finalement éliminer de la conscience des hommes ce que nous appelons les mystères, ce que nous appelons la mystique des sphères, ce que nous appelons l'ignorance spirituelle des maîtres de la Terre, pour finalement en arriver à forcer l'homme, en tant qu'individu, à vivre de sa lumière, à épouser sa lumière, à reconnaître la lumière des autres et à faire exploser sur la Terre le soleil solaire, c'est-à-dire cette énergie qui fait partie des plans éthériques et qui soutient toutes les forces globales de la civilisation, autant dans notre système ici que dans les systèmes parallèles. L'homme un jour, quand je parle de l'homme universel, je ne parle pas seulement de l'homme de la Terre. L'homme un jour doit totalement éteindre le karma planétaire de son ancienneté, c'est-à-dire que l'humanité, l'homme supramental, l'homme nouveau, doit un jour en arriver à ne plus vivre du passé. Et pour ne plus vivre du passé, il va falloir que l'homme se retire complètement de sa mémoire historique. Sur le plan psychologique, ça va nécessiter que l'homme élimine complètement de sa conscience astrale les vestiges de la mémoire qui font partie de celle de l'humanité qu'on appelle l'inconscient de l'homme et qui font aussi partie de son inconscient lui, c'est-à-dire de ses craintes subjectives, personnelles, par rapport à la force de contamination que possède la société sur lui à cause de son envergure historique, à cause de son autorité, à cause de sa temporanéité et aussi à cause de sa valeur spirituelle. Donc l'homme deviendra un être réellement intelligent dans le sens cosmique du terme, l'homme saura, l'homme aura accès à des archives extrêmement vastes, la science sera très grande, l'ignorance n'existera plus et l'homme finalement pourra commencer à faire ce qu'il doit faire sur une planète, c'est-à-dire faire apparaître sur les plans inférieurs de la conscience planétaire les forces qui sont dans l'invisible, qui ont toujours été dans l'invisible, mais qui ont été gardées à l'écart pendant très longtemps parce que l'homme ne pouvait pas travailler avec des énergies aussi puissantes tant qu'il n'avait pas lui-même totalement transformé sa nature, totalement élevé sa conscience, totalement compris que les mystères n'existent pas et que le cosmos est très vaste, que l'univers est peuplé de civilisations et d'individus qui appartiennent à différentes régions, qui appartiennent à différents esprits, mais qui, moronciellement, sont uniques, c'est-à-dire qu'ils sont tous faits de l'esprit de feu, l'esprit de feu étant la source, l'ajusteur de pensée, ce qu'on appelle en anglais le self, qui est à la base de la pensée humaine, qui coordonne, qui nourrit l'homme sur le plan de l'âme, qui permet à l'âme de d'évoluer pour donner finalement à l'ego une instance de reconnaissance, c'est-à-dire d'existence sur la Terre, pour amener tout ça ensemble, former un axe universel et intégrer une fois pour toutes l'homme dans sa réussite évolutive, cosmique, interplanétaire, et faire de lui réellement un être réel. Vous parliez de contact avec d'autres civilisations, donc j'imagine qu'au moment de ce contact, l'individu sera prêt, socialement et individuellement, à rencontrer ces autres civilisations. Est-ce que... Le contact avec les autres civilisations se fera sur un plan totalement individuel. C'est sans importance où se situe la société, parce que d'ailleurs, ces contacts-là sont totalement occultes, ils seront occultés, ils ne seront pas à la vision de l'homme, à la vue de l'homme, à la vue du gouvernement. Si des contacts doivent être amenés en présence d'observateurs étrangers, c'est-à-dire d'observateurs qui font partie de l'évolution, ces contacts seront faits, ces observations-là seront rendues publiques, mais dans des conditions extrêmement protégées, afin de ne pas nourrir l'astral de la planète et afin de ne pas passer des sciences extrêmement avancées à des hommes extrêmement envahis par l'astral et extrêmement passionnés de pouvoir, comme il en existe aujourd'hui sur la Terre. Donc, l'influence de ces civilisations-là ne se fera pas pour une collectivité, la façon que vous parlez. Ça va se faire pour des individus en particulier. C'est-à-dire que le contact avec les plans parallèles se fera au niveau individuel. Effectivement, il y a beaucoup d'individus dans le monde qui sont prêts à ceci. Le contact se fera au niveau individuel, mais il y aura des retombées sur le plan mondial. Mais ces retombées sur le plan mondial seront très, très coordonnées, très avisées, très contrôlées et très anonyme. Est-ce que c'est possible que ça existe déjà? C'est... Je peux pas en parler. Est-ce que pour les individus qui sont en contact avec... La raison pour laquelle je n'en parle pas, c'est parce que c'est inutile de penser à ces choses-là. Okay. Si on commence à penser à ces choses-là, on fait automatiquement de l'overtime, on fait beaucoup d'imagination, on perd contact avec notre vie d'aujourd'hui, on s'empêche de travailler, on s'empêche de s'occuper de nos enfants, on s'empêche de vivre une vie normale. Autrement dit, moins on en sait sur ces choses-là, mieux c'est. Lorsque le temps sera venu pour que l'homme sache ces choses-là, le temps sera venu, les hommes qui doivent savoir ces choses-là le seront, et ceux qui ne doivent pas savoir ces choses-là, au moins n'en seront pas embêtés. Est-ce que les gens qui ont accès à ces plans parallèles se créeront une société parallèle ou devront s'intégrer aux structures existantes de la société que l'on connaît là? Est-ce que ce sera deux mondes à part qui cohabiteront pendant X temps, ou ce sera, il y aura un mariage des deux formes de pensée ou des deux formes d'énergie? Ce seront deux mondes à part. Deux mondes à part. Mais qui cohabiteront dans des espaces différents? Ce seront deux mondes à part qui cohabiteront dans des espaces différents, mais ce sont des mondes, si on parle du monde le plus avancé des deux, qui, ce monde-là aura la capacité de venir, de se mettre en contact à volonté avec le monde qui existe pour élever les vibrations, pour changer certaines choses et pour rendre l'homme conscient qu'il existe dans le monde, dans l'univers, sur la planète et dans d'autres coins. Des espaces privilégiés, c'est-à-dire des endroits qui sont régis par de très hautes vibrations et qui permettent à des hommes qui ont une certaine conscience d'y avoir accès. Mais effectivement, le contact entre les forces de l'involution et les forces de l'évolution sera établi précisément sur la Terre pour permettre justement à l'involution de sortir de sa torpeur, pour permettre un mouvement, pour engager un mouvement qui sera très long d'ailleurs, parce que l'évolution de la sixième race racine va prendre au moins 2500 années. Ce qui sera suivi ensuite par l'évolution d'une septième race racine qui sera très courte, où finalement l'homme sera très évolué, parce qu'au bout de 2500 ans, au rythme où nous irons, l'homme sera très évolué, les gouvernements de la Terre seront très avancés, la science sera très avancée, et viendra un point dans le temps où l'homme pourra nettement, quand je parle de l'homme à l'échelle mondiale, l'homme pourra nettement passer du plan matériel au plan éthérique, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'un corps matériel pour se véhiculer dans l'espace. Et à ce moment-là, ce sera la fin de l'évolution de l'homme sur la Terre. La Terre aura rempli son rôle et l'homme commencera une nouvelle évolution jupitérienne et ça continue ainsi. Dans les 50 prochaines années, la structure sociale que les gens qui sont en évolution, en développement, peuvent se créer, à quoi peut-elle ressembler sur une période de 50 ans environ? La structure sociale des années qui viennent va être basée sur le principe de la déformation de plus en plus avancée des structures anciennes. C'est-à-dire que toutes les formes que nous avons aujourd'hui vont être dépassées. Et dans le dépassement de ces formes-là, à tous les niveaux, ça va créer des heurts, ça va créer des chocs, et ces formes-là vont être dépassées par une pression qui sera créée par les forces démographiques ethniques dans le monde qui ont besoin de se trouver une identité sociale, qui ont besoin d'en arriver finalement à pouvoir être au moins dans une situation de compétition avec d'autres membres de la race humaine. Il faut que les peuples, que les nations en arrivent finalement à pouvoir équilibrer leurs ressources. Il faut que les pauvres commencent à vivre un petit peu mieux. Il faut que l'ignorance commence un peu à se disperser dans le monde. Il faut que le tiers-monde avance dans son évolution. Il faut que les peuples qui sont déjà avancés, industrialisés, prennent très conscience du tiers-monde. Il faut que la grande course aux armements soit totalement mise sous le contrôle. Il faut que les Nations Unies prennent le rôle au sérieux dans l'évolution de l'espèce humaine. Il faut que la médecine réalise qu'il y a dans le monde des formes de sciences médicales en parallèle qui sont nécessaires pour l'évolution aussi de la santé humaine. Il faut que la science aussi réalise sur le plan de son avènement. Quand je parle de la science, là, je parle surtout de la science électronique en ce qui concerne la télévision et tout ça. Il faut que la science et les gens qui s'occupent de la diffusion des idées, de la diffusion de l'image, surtout les gouvernements, fassent des études très, très précise de l'impact que crée la très grosse force astrale aujourd'hui dans le monde sur la masse inconsciente de l'homme. Parce que La télévision, c'est un événement extraordinaire, c'est un événement essentiel. Mais par contre, il y a tellement d'astralité dans la télévision, il y a tellement de cochonneries dans la télévision qu'une grande partie de cette énergie n'est pas créativement utilisée par les masses. Et on ne peut pas dire, les gens qui sont à la tête de ces organismes-là ne peuvent pas dire, ah ben, c'est le peuple qui demande ça, c'est le peuple qui veut ça. C'est pas vrai. Le peuple va prendre ce qu'il y a. Le peuple va prendre ce qu'on lui offre et il va aller avec ça. Mais c'est à ces gens-là qui sont à la tête des centres décisionnels de prendre en main la responsabilité sociale de leur vocation et de donner aux masses humaines du matériel à bien penser, du matériel à bien digérer, du matériel à faire évoluer la pensée humaine pour que les individus puissent finalement être protégés contre des influences astrales qui peuvent réellement entrer dans la disproportionnalité et créer même des états de convulsion psychique, de dépression psychique à long terme dans la masse humaine. Ils ont fait des études aux États-Unis, des études qui ont duré une vingtaine d'années, et ils ont réalisé que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé dans les années 50, que la télévision serait très bon pour le monde, et ainsi de suite, ils ont réalisé que la télévision a un effet néfaste sur le psyché humain et qu'elle crée beaucoup de dépression dans la masse. Donc, ce n'est pas le rôle de la télé. Le rôle de la télé, en tant que médium ou en tant qu'organe médiatique, est d'informer, de soulager et d'amener de la beauté par l'image et par le son aux masses qui sont impuissantes devant l'écran et qui sont prisonnières dans un sens, dans leur maison, de cet écran-là, qui ont une importance capitale pour l'évolution psychologique et psychique de l'individu et des masses sociales au cours du 20e, au cours du 21e siècle. Donc, les gens qui sont en charge dans le monde, dans tous les pays du monde, ont une très grande responsabilité. Par contre, la responsabilité de l'homme par rapport à l'évolution de l'homme ou par rapport à l'évolution des masses est toujours reliée au facteur karmique. Donc, l'humanité aujourd'hui vit un karma, l'homme en tant qu'individu vit un karma, et ce karma, c'est-à-dire cette dette, cette lourde dette individuelle que l'homme doit payer sur le plan personnel comme il doit la payer en relation avec les forces sociales, ne peut être été éliminé que par une transmutation consciente de son moi. Et ceci est totalement en dehors de ce que peuvent faire les unités ou les agences gouvernementales, même si elles sont bien éduquées, bien pleines de bonne volonté. L'évolution de l'homme, la conscience de l'homme, la conscientisation de l'homme, la redécouverte de la source, la reprise de son contrôle, l'élimination de son karma, la prise de conscience de la liberté réelle. Je ne parle pas du libre arbitre qui est une illusion cosmique, je parle de la liberté réelle de l'homme. Ceci est du domaine de l'homme, fait partie du domaine de sa conscience fondamentale, et c'est l'homme lui-même en tant qu'individu qui pourra prendre cette situation en main et la renverser, et il a le pouvoir de le faire. La science existe aujourd'hui sur la Terre, les notions deviennent de plus en plus diffusées, l'homme aura accès à des notions absolument aberrantes du réel, et si l'homme est suffisamment évolué, suffisamment humble dans son mental, dans son intellect, pour avancer lentement vers ces choses et aller chercher la vibration qui imprègne ces données, l'homme pourra se donner, d'ici à 2-3 générations, énormément d'informations qui sera suffisante pour finalement casser et briser le pouvoir de l'évolution sur sa conscience. Vous avez, dans le deuxième chapitre de votre livre, La Genèse du réel, vous avez parlé de l'épuration du mental. Présentement, on assiste dans notre société à une sorte de rage de l'écologie qui touche la nature, évidemment. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans la façon dont vous parlez, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte d'écologie du mental dans les temps futurs, à un travail pour purifier ou assainir le mental, dans le sens psychique du terme? Oui, effectivement. Par contre, si on parle de l'épuration du mental, ça va très loin. L'épuration du mental, il y a des gens qui font l'épuration du mental. Quand vous faites de la méditation, vous faites de l'épuration du mental. Quand vous faites du yoga, vous faites de l'épuration du mental. Donc, il y a toutes sortes de choses qui permettent à l'homme de faire l'épuration du mental, mais ceci mène à la spiritualisation du mental. Donc, non seulement le mental doit être épuré de ses formes conventionnelles, historiques, purement matérialistes, le mental doit être épuré aussi de ses formes conventionnelles, historiques ou modernes, qui sont d'ordre spirituel, pour que l'homme en arrive un jour à posséder un mental intégral. Dans le mental intégral, la spiritualité n'existe pas. L'intelligence intégrale existe. La spiritualité fait partie de l'inconscience évolutive de l'âme, elle fait partie des besoins évolutifs de la race. La spiritualité, elle est nécessaire parce que l'homme possède beaucoup d'émotions dans sa conscience mentale, mais lorsque l'homme aura éliminé l'émotion de sa conscience mentale, c'est-à-dire les courants astraux de cette spiritualité-là, à ce moment-là, il passera à une autre étape, c'est-à-dire qu'il entrera dans une conscience supramentale claire, nette, la fusion se fera, le contact télépathique avec les plans mentaux se fera, et l'homme n'aura plus besoin de vivre une conscience psychomatérialiste ou une conscience psychospirituelle, il vivra une conscience intégrale, c'est-à-dire une conscience qui est capable, instantanément, dans le moindre des temps, ou dans n'importe quel des temps, de regarder une forme, c'est-à-dire une valeur, l'accepter ou la rejeter selon ce qu'elle est réelle ou ce qu'elle ne l'est pas. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme aura dépassé le besoin de vivre de ce qu'il vit aujourd'hui, de la vérité. Parce que la vérité, c'est l'envers du mensonge. La vérité, c'est la polarité de la conscience spirituelle. Donc, dans le monde aujourd'hui, il y a des mouvements, tout partout, à toutes les sauces, qui s'approprient la valeur de la vérité. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie des besoins de l'homme. Donc, cette recherche pour la vérité, elle est saine. Par contre, elle mène inévitablement l'homme un jour. Quand je parle de l'homme supramental, de l'homme de demain, elle mène l'homme un jour à relever le défi de la vérité, c'est-à-dire à en arriver finalement à voir que là où il y a de la vérité, il y a de l'ombre. Et si l'homme ne voit pas de l'ombre, là où il y a de la vérité, il est réellement polarisé dans son mental, donc il a trop d'énergie spirituelle en lui, et un jour, s'il doit aller plus loin dans la conquête de son être, s'il doit aller plus loin dans l'identité intégrale de son moi, s'il doit aller plus loin dans la conversion totale de son énergie psychique pour passer d'une évolution qui est psychologique à une évolution qui est totalement psychique, qui deviendra un jour totalement télépathique entre les hommes et lui, à ce moment-là, il sera obligé de devenir libre, c'est-à-dire incapable de se nourrir de ce que nous appelons aujourd'hui la vérité. La vérité est une forme de connaissance qui est nécessaire dans un temps où les hommes sont encore naïfs. Lorsque l'homme n'est plus naïf, la vérité ne sert plus parce que à ce moment-là, la polarité de son moi n'existe plus et à ce moment-là, l'homme est capable de regarder en face les choses, c'est-à-dire regarder la dimensionnalité ou la multidimensionnalité des plans, la réalité cosmique, la réalité des civilisations, la réalité des gouvernements invisibles, la réalité de tout. Et à ce moment-là, voir où il se situe par rapport à ceci. Et lorsqu'il le fait, il ne vit plus son contact avec les mystères comme il l'a vécu pendant l'évolution. Donc, il n'est plus assoiffé de vérité. Il est simplement réel, il est créatif, il a une conscience créative, et cette conscience, au fur et à mesure qu'elle avance, bien, elle devient plus grande et plus grande. Donc, avec les générations, la conscience de l'homme deviendra très vaste, et avec cette conscience très vaste, la science, qui sera la dernière des sphères touchées par cette conscience, éclatera sur la Terre, et nous aurons finalement accès à une science de l'énergie qui ferait rêver le plus grand des scientifiques aujourd'hui. Dans votre livre, vous mettez beaucoup, beaucoup l'accent sur une sorte de guerre avec l'astral, où l'individu éventuellement, pour parler de réalité, pour être en contact avec sa réalité, devrait être capable de voir dans l'invisible, d'avoir une vision là, vraiment comme nos yeux voient la matière. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus, parce que ça semble être la clé, là, disons, du phénomène de développement. Ce n'est pas important pour le moment que l'homme voit dans l'invisible. Ce qui est important pour le moment, c'est que l'homme voit ou comprenne ou saisisse la nature de sa pensée. Que l'homme réalise que sa pensée ne vient pas de lui. Ça, c'est primaire. Une fois que l'homme a réalisé, commence à sentir que la pensée ne vient pas de lui, qu'il vit beaucoup de pensées qui ne sont pas réellement les siennes, que ce sont des pensées qui sont un peu chuchotées, que ce sont des pensées qui sont un peu inspirées, que ce sont des pensées qui viennent, qui sont astrales. À ce moment-là, il commence à voir à travers l'illusion de son moi, de son moi qui pense. À partir de ce moment-là, il commence à voir de plus en plus la source de sa pensée, et finalement, il en arrive à posséder, à vivre et à manifester, à créer une pensée réelle. Ensuite, il passera à une autre étape où il pourra voir dans l'invisible. Mais avant que l'homme puisse voir dans l'invisible, c'est-à-dire venir en contact avec des intelligences dans l'invisible, il faut qu'il soit déjà, sur le plan psychologique, assuré de l'imperméabilité de sa conscience. Assuré de l'imperméabilité de sa conscience et qu'il vient en contact avec l'invisible ou avec les forces de l'invisible, qui serait pour lui une forme de magie absolument extraordinaire, il serait absolument incapable de dissocier le vrai du faux. Il ne serait pas capable de voir la différence entre le réel et l'irréel. Il ne serait pas capable de saisir l'instant